إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد الله سبحانه وتعالى أدين صنب لليبغ كل نفس ذائقة الموت تتعم قدخ لمخ وإنما توفون أجوركم يوم القيامة mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Quiconque est donc écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle la fin inévitable de toute personne dans ce bas monde. Cette fin qui est la mort. Puis il nous rappelle qu'au jour de la résurrection, nous serons rétribués pour les actes que nous avons accomplis dans ce bas monde. Celui qui sera préservé du feu ce jour-là et qui entrera au paradis, il aura certes réussi. En effet, il aura réussi car le feu de l'enfer est un danger immense pour l'homme. Et ce car le feu de l'enfer, il est recouvert des choses désirables pour les âmes parmi les passions et les désirs. Car les âmes, elles ont un penchant pour les passions. Elles ont un penchant pour les désirs, sauf celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle à la fin de ce verset que la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. C'est-à-dire, ne vous faites pas tromper par ces jouissances. Ne vous faites pas tromper par ces choses que vos âmes désirent et par ses passions, car ceci n'est que jouissance trompeuse. Et au jour de la résurrection, ceux qui réussiront et qui obtiendront le succès, ce seront ceux qui se seront écartés du feu de l'enfer. Et pour s'écarter du feu de l'enfer, il faut s'écarter de ces choses dans ce bas monde. Le danger du feu de l'enfer est donc un danger immense. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a prévenus contre celui-ci dans son livre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis contre celui-ci et nous a mis en garde dans sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son messager sallallahu alayhi wa sallam « وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ » et avertis les gens qui te sont les plus proches. Il lui a ordonné d'avertir les gens de manière générale et il a spécifié les gens qui lui sont les plus proches. Et l'avertissement, c'est le fait d'informer au sujet d'une chose qui effraie, au sujet d'une chose qui fait peur. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a averti sévèrement sa communauté contre le feu de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet du feu de l'enfer, « Wa im minkum illa wariduha » Il n'y a personne parmi vous qui n'y passera pas, qui ne passera pas par l'enfer. C'est-à-dire qui ne passera pas sur le pont au-dessus de l'enfer. Et les gens franchiront ce pont en fonction de leurs œuvres accomplies dans ce bas monde. Les croyants, ils franchiront ce pont. Et les mécréants, ils tomberont dans le feu de l'enfer. Kana ala rabbik hatman maqdiya. Car il ne s'agit que d'une sentence irrévocable pour ton Seigneur. Thumma nunajjil ladina taqaw. Puis nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Et nous y laisserons les injustes agenouillés. Ainsi, personne ne sera sauvé du feu de l'enfer si ce n'est les pieux, les gens de taqwa, les gens de la piété. Et la taqwa, en quoi consiste-t-elle? C'est le fait d'accomplir des œuvres pieuses. En accomplissant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné et en délaissant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit, par peur et par espoir. Par peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et par espoir d'obtenir sa récompense. Donc le pieux celui qui sera sauvé de l'enfer, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce verset, c'est ceux qui accomplissent des œuvres pieuses, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils accomplissent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné et ils délaissent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit par peur du châtiment d'Allah et par espoir de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, personne ne sera sauvé du feu si ce n'est ces gens, les pieux, les gens de la piété. Et ceux qui ne font pas partie des pieux, alors ils ne seront pas sauvés du feu, mais ils y resteront avec les injustes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَنَظَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيَّا. Et nous y laisserons les injustes agenouillés. Il est donc obligatoire pour le musulman de prendre garde au feu de l'enfer et de se mettre à l'abri du feu de l'enfer. Et ceci ne peut avoir lieu qu'en accomplissant les causes qui t'écartent du feu de l'enfer, en accomplissant des œuvres pieuses, en te préservant du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala par son obéissance et en délaissant les péchés et les mauvaises actions. Quant au fait de prétendre avoir peur, une simple peur du feu de l'enfer, alors que l'homme persiste dans les péchés, les transgressions et les mauvaises actions, alors ceci est une peur qui n'est pas profitable et qui ne te sauvera pas du feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à son peuple, « Ô peuple de Quraysh, sauvez vos propres personnes du feu de l'enfer. Ô Abbas, oncle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je ne peux rien pour toi auprès d'Allah. Ô Safiya, tante du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je ne peux rien pour toi auprès d'Allah. Ô Fatima, fille de Muhammad, prends de mes biens ce que tu souhaites, mais je ne peux rien pour toi auprès d'Allah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il les avertit et il les appelle à sauver leur âme du feu de l'enfer. Et il les informe qu'il ne pourra rien pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala s'ils n'accomplissent pas des œuvres pieuses, s'ils ne se soumettent pas à Allah subhanahu wa ta'ala par son obéissance et en délaissant les péchés et les mauvaises actions. Le simple lien de parenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut leur être profitable si ce n'est en accomplissant des œuvres pieuses. La chose qui te profitera au jour de la résurrection, ce sont tes œuvres pieuses, les œuvres que tu as accomplies en recherchant le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et en suivant dans celle-ci la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc si telle est la situation pour les proches du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour sa famille, pour ses oncles, pour ses tantes et pour sa fille Fatima radiyallahu ta'ala anha, alors que dire d'autre que? Que dire d'autre que les proches du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Si eux-mêmes ne peuvent être sauvés, alors que dire de nous qui n'avons aucun lien de parenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il n'y a pas de doute que la seule chose qui peut nous sauver du feu de l'enfer, après la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont nos œuvres. Il faut accomplir dans ce bas monde des œuvres pieuses, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc obligatoire pour le musulman de sauver sa personne du feu. Chaque homme doit sauver sa propre personne du feu de l'enfer. Il n'y a personne d'autre que toi qui peut te sauver du feu de l'enfer. Le père ne peut pas sauver ses enfants du feu de l'enfer. Les enfants ne peuvent pas sauver leurs parents du feu de l'enfer. Le frère ne peut rien pour ses frères et sœurs. Et le proche ne peut rien pour les gens de sa famille. Ceci ne peut avoir lieu que dans ce bas monde. Ici-bas, les gens s'entraident dans le bien. Ils s'entraident dans le délaissement des mauvaises actions. Ils s'entraident dans l'accomplissement de tâches difficiles. Ils s'entraident les uns les autres. Ils se protègent les uns les autres. Mais ceci n'a lieu que dans ce bas monde. Quant à l'au-delà, personne ne pourra rien pour personne. « La tamliku nafsun li nafsin shay'a. » Aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme. Nul ne pourra profiter à autrui. Chacun sera responsable de sa propre personne et de ses propres actions. Donc, tant que tu es encore vivant, tant que tu es encore dans ce bas monde, il est encore temps d'accomplir des œuvres afin de sauver ton âme de l'enfer. Tu as le choix ici-bas entre sauver ton âme du feu de l'enfer ou alors de la faire courir à sa perte. Car telle sera la destination des gens au jour de la résurrection. Soit au paradis, soit en enfer. Et ici-bas, libre à toi d'accomplir les œuvres qui mènent au paradis ou les œuvres qui mènent au feu de l'enfer. L'enfer sera présenté aux gens au jour de la résurrection. Tout le monde passera au-dessus de l'enfer sur le pont, sur As-Sirat. Et ils franchiront ce pont en fonction de leurs œuvres. Et personne ne sera épargné de l'enfer si ce n'est les pieux. « Wa im minkum illa wariduha » Vous passerez tous par l'enfer, c'est-à-dire sur le pont, au-dessus de l'enfer. « Wa nadharu dhalimina fiha jithiyya » Et nous y laisserons les injustes agenouillés. Ainsi, celui qui accomplit des œuvres pieuses ici-bas, il passera rapidement sur le pont. Plus il a été pieux, plus il passera rapidement sur ce pont et il sera sauvé de l'enfer. Mais celui qui viendra sans aucune œuvre pieuse, sans avoir adoré Allah subhanahu wa ta'ala, sans s'être préservé des péchés et des mauvaises actions, sans s'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde, il ne pourra pas passer sur le pont, mais il tombera dans le feu de l'enfer. Et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, car il n'avait aucune œuvre pour lui permettre de passer ce pont au-dessus de l'enfer. Le danger est donc immense. La situation est donc effrayante. Et si tu prends conscience de cela, si tu te rappelles de ce moment et de cette situation, et qu'elle aura lieu, et que ceci est inévitable, et tu dois avoir la certitude de cela, que toute âme passera par l'enfer. Ceci est une information qui nous est venue d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc une certitude. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à l'ensemble de la création. Vous passerez tous par l'enfer, l'ensemble des créatures. Personne ne fera exception. Tout le monde passera au-dessus du feu sur le pont. Et seuls seront sauvés les pieux. Et seuls seront sauvés ceux qui se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde, qui ont accompli des œuvres pieuses et qui ont délaissé les péchés et les mauvaises actions. Quant à ceux qui ne se sont pas soumis, qui n'ont pas fait preuve de piété, alors ils tomberont dans l'enfer et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mettait en garde dans ses sermons et dans ses exhortations contre le feu de l'enfer. Il mettait en garde ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum et il mettait en garde sa communauté. Il disait « Je vous préviens et je vous avertis contre le feu de l'enfer. Sauvez vos personnes du feu de l'enfer. Prenez garde au feu de l'enfer. » Et il décrivait le feu de l'enfer ainsi que sa profondeur. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Ils ont alors écouté un bruit, le bruit d'une chose qui est tombée. Il leur a alors dit sallallahu alayhi wa sallam, « Savez-vous qu'est-ce que ce bruit ?» Ils ont dit « Allah wa rasuluhu a'lam » Allah et son messager savent mieux. Il leur a dit « Ceci est le bruit d'une pierre qui a été jetée dans l'enfer depuis 70 ans et elle vient d'en atteindre le fond. » Ceci est donc la profondeur du feu de l'enfer. Une pierre y est jetée et il lui faut 70 ans pour atteindre son fond et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et au jour de la résurrection, cet enfer sera rempli par les créatures qui ont perdu leur personne dans ce bas monde, ceux qui ont perdu leur temps et leur vie dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'insouciance et le détournement d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont été surpris par la mort alors qu'ils n'étaient pas prêts, ils seront plongés au feu de l'enfer. Ils seront ses habitants et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils seront le combustible de l'enfer. L'homme est donc en grand danger. Nous sommes donc face à un grand danger, car nous ne savons pas si nous serons sauvés ou si nous serons ceux qui seront plongés dans le feu de l'enfer et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc comment une personne peut se sentir en sécurité? Comment une personne peut être apaisée alors qu'il ne sait pas s'il sera sauvé ou non du feu de l'enfer? C'est pour cela que les gens pieux, parmi les prédécesseurs, parmi les salafs de cette communauté, si tu lis leur histoire, tu verras des récits surprenants. Ils étaient remplis de peur vis-à-vis du feu de l'enfer, car ils craignaient Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que tu écoutes des histoires surprenantes concernant les œuvres pieuses qu'ils accomplissaient. Ils avaient peur de l'enfer, et ce, car ils ont cru d'une foi authentique, d'une foi véridique. Leur peur, elle les a menés à accomplir les causes du salut, les causes pour être sauvés du feu de l'enfer. Et ils ont accompli ces causes avant leur mort. Et celui qui veut connaître des choses à ce sujet, il n'a qu'à lire les histoires et les biographies des pieux prédécesseurs. On dirait que le feu, il n'avait été créé que pour eux. Alors que le feu de l'enfer, il a été créé pour les désobéissants parmi les enfants d'Adam, alayhi salam, et ce, du début de la création jusqu'à sa fin. Mais les pieux prédécesseurs, ils ont atteint un degré de peur et ils accomplissaient des œuvres immenses et nombreuses comme si le feu n'avait été créé que pour eux. Et ils cherchaient à s'en préserver. Et si tu médites sur notre situation aujourd'hui, comme elle est mauvaise, en termes de péché, en termes d'insouciance, en termes de négligence, et malgré cela, tu vois l'un d'entre nous ne pas avoir peur pour lui-même du feu de l'enfer alors qu'il est plongé dans les péchés et les distractions de ce bas monde. La situation a même atteint la négligence des obligations, le délaissement des obligations des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrites et à leur tête, les 5 prières quotidiennes. Combien sont ceux qui sont assidus dans l'accomplissement de leurs 5 prières quotidiennes, si ce n'est très peu parmi nous? Alors que dire des autres obligations? Celui qui néglige ses 5 prières, il n'y a pas de doute qu'il sera encore plus négligent vis-à-vis de ses autres obligations. Et malgré cela, on se sent en sécurité. Comment peut-on se sentir à l'abri du feu de l'enfer alors que telle est notre situation et le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ceci est le résultat de cœurs qui ont rouillé, de cœurs qui ont noirci, de cœurs qui sont insouciants, et ce, car les péchés se sont accumulés. Ils sont donc devenus aveugles, ils ont été privés de vue, ils n'écoutent pas, ils ne voient pas. رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Ce qu'ils ont commis a couvert leur cœur. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de réformer nos situations, de nous faciliter le repentir de nos mauvaises actions et de nous faciliter un retour vers lui par les œuvres pieuses et la multiplication de celles-ci, surtout en ces jours de Ramadan et après ce mois tout au long de l'année. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. Ô Allah, nous te demandons le paradis et toute œuvre et toute parole qui rapproche de celui-ci. Et nous cherchons refuge auprès de toi contre le feu de l'enfer et toute parole et tout acte qui rapproche de celui-ci. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayran.